Chapitre 7e. L'étonnement irrité de Sextius Bonenfant était bien naturel. Des fourrés du bois arrivait un tout jeune homme qui, par un moulinet de sa badine, faisait sauter et craquer les broussailles. Il était vêtu à la dernière mode, pantalon collant, veston court dont la coupe donnait plus de relief encore à des formes fortement accusées, chapeau rond à aigrette. C'était, à l'extérieur, un type de gandin. À l'intérieur, c'était pire encore. Sextius reconnut dans le nouvel arrivant qui « Madame Dumont, la Vierge de Mabille elle-même ». Les autres personnes, notamment Bresson et ses témoins, firent immédiatement la même constatation, et ils se regardèrent avec une mutuelle méfiance, épouvantés de tant d'audace, si la jeune femme n'avait pas été conseillée, prêt à procéder à une exécution si l'un d'eux l'avait poussée à cette démarche. Ce fut un instant de cruelle perplexité. Heureusement, la duchesse, s'avançant vers eux, dit à haute voix « Je vous demande pardon, messieurs, d'intervenir moi-même. Si j'agis contre toutes les règles des affaires d'honneur, c'est qu'il est des circonstances où une femme doit avoir recours à la ruse. Vous avez dignement rempli votre mandat. En ce moment, j'abdique ma qualité de femme et je vous dégage. Mais, commentèrent les trois jeunes hommes, cette affaire désormais entre monsieur et moi, reprit-elle en désignant monsieur de Mulset. Il y a entre nous une question de vie ou de mort. » Julien n'avait pas quitté son poste. Étonné de tant d'énergie, ému par une haine aussi implacable, il avait senti dans tout son être le frisson de la mort. Mais il n'avait pas bronché, décidé à pousser jusqu'au bout sa tentative de sauvetage d'une âme dévoyée. Cependant, les quatre témoins s'étaient réunis, ceux de Bresson protestant qu'il n'était pas complice de la duchesse, ceux de Julien hésitant à prendre un parti. Le jeune Bresson, qui ne manquait pas de cœur sous les dehors d'un égoïste scepticisme, s'approcha de Julien et, en fort bons termes, lui demanda pardon de s'être embarqué à la légère dans une affaire sur laquelle il n'avait pas de données suffisantes. « Votre facilité, quelque peu dédaigneuse à tout accepter, ajouta-t-il, aurait dû me faire réfléchir. Mais j'étais trop désireux d'avoir un duel pour m'inquiéter de ce qui pourrait advenir. » « Encore une fois, monsieur, je vous présente mes excuses. Dès ce moment, notre devoir est tracé, à mes témoins et à moi. Nous nous retirons, tout en restant à votre disposition pour le jour, l'heure et le lieu qui pourraient vous convenir. » Julien acquiesça par une inclinaison de tête. La duchesse, qui avait compris et suivi la démarche de son défenseur officieux, l'attendait à son retour. « C'est bien, mon ami. Maintenant, donnez-moi votre pistolet. » Bresson fit un geste de refus. « Oh, comme vous voudrez !» s'écria-t-elle assez haut pour être entendue par les assistants. « Monsieur de Mulset, qui se sert du revolver pour insulter une femme, acceptera, je pense, que cette femme emploie le revolver pour se venger ?» En même temps, elle retirait de la poche de son veston un de ses longs et solides revolvers en acier poli, arme redoutable, qui, à cette époque, venait d'être importée d'Amérique. Ce nouvel incident produisit une émotion marquée et fut suivi de pourparlers très animés. Julien se départit enfin de son indifférence et s'adressant à ses témoins, « Je vous demande en grâce, messieurs, de continuer votre assistance. Je suis entièrement à la discrétion de mon adversaire inattendu. » Et désignant Bresson et ses témoins, « Ces messieurs peuvent se retirer. J'ai déjà oublié complètement avoir eu affaire à eux. » Bresson, le gros Robert et d'Altara s'inclinèrent. Le premier rendit son pistolet, et tous les trois ils disparurent. D'Altara, que la passion du journalisme n'abandonnait jamais, ne put s'empêcher de soupirer. Quel malheur de ne pouvoir pas raconter cette aventure. J'aurais eu un fameux succès de mystérieuse curiosité. Deux minutes plus tard, on voyait bleuir à travers les branches d'arbres les spirales de fumée qui s'élevaient de trois cigares. Le jeune homme et ses témoins s'éloignaient en gens discrets sans détourner la tête. La situation se simplifiait, mais elle ne devenait pas beaucoup plus facile à dénouer. Un duel avec une femme, était-il possible de le permettre, d'y assister, de le régler? La chevalière Déon avait croisé le fer au XVIIIe siècle, mais tout le monde croyait à sa qualité d'homme. Le costume pris par Madame Dumont ne trompait et ne pouvait tromper personne. Quelle responsabilité n'allait pas encourir les témoins s'il arrivait un malheur? D'autre part, les confidences de Julien à ses amis inquiétaient ceux-ci au point qu'ils redoutaient un acte de violence de la part de la jeune femme. Toutes ces considérations furent pesées dans un colloque définitif. Julien ayant été consulté, on se résigna à organiser le combat. Il fut nécessaire de modifier sensiblement les dispositions. Le soleil avait fait une percée au milieu de l'espace choisi en premier lieu. On dut se reporter un peu plus loin. Les distances furent soigneusement mesurées, et par surcroît de précaution, on détermina les points que les adversaires ne devaient pas dépasser. Le signal ayant été donné, Julien, calme et grave, fit ses 10 pas et attendit. La duchesse, hautaine et hardie, avança par enjambées aussi longues que sa mignonne personne le lui permettait. Elle ne s'arrêta pas à la ligne de démarcation tracée dans l'allée. Avant que les témoins n'aient eu le temps de l'arrêter, elle arriva près de Julien et tira sur lui presque à bout portant. Le jeune homme atteint à la tête, tomba lourdement, sans faire un geste, sans pousser un cri. Madame Dumont, se retournant vers les témoins et le docteur qui accouraient, se dressa de toute sa hauteur et d'une voix vibrante. « Voilà comment je traite les amants de ma mère !»